un petit toit parisien. Rudy et Géraldine aimeraient bien partir à l'aventure dans un pays lointain, histoire de voir autre chose que toujours les mêmes citadins, picorer un bout de pain à Istanbul ou à Turin, et boire un petit coup près de Moscou, s'arrêter prendre l'air dans une station balnéaire, toujours prendre le gare à pas choper la grippe aviaire. À chaque an, t'es planqué dans les jardins, tu fais peur aux oiseaux de Ouagadougou à Pékin, tu décimes tous les piafs sur tous les terrains, et t'aimerais bien muter pour t'attaquer à l'être humain. Et Géraldine hésite à partir. Nos deux pigeons aimeraient planer l'esprit tranquille, saluer leurs congénères sans penser au vilain virus, et ne pas être obligé de se bourrer de Tamiflu. Après tout, Paris, c'est la plus belle des villes, les badauds les nourrissent à Notre-Dame sur le parvis. Rudy et Géraldine, c'est là qu'ils finiront leur vie, perchés sur ce petit toit de Paris. À chaque an, t'es planqué dans les jardins, tu fais peur aux oiseaux de Ouagadougou à Pékin, tu décimes tous les piafs sur tous les terrains, et t'aimerais bien muter pour t'attaquer à l'être humain. Rudy et Géraldine hésitent à partir. Après tout, Paris, c'est la plus belle des villes. Rudy et Géraldine, c'est là qu'ils finiront leur vie, perchés sur ce petit toit de Paris. Rudy et Géraldine, c'est là qu'ils finiront leur vie, perchés sur ce petit toit de Paris.